rappelle-toi ces nuits passées au SMS, rappelle-toi cette amitié DS, j'étais nouveau, t'étais ancienne. Qui aurait cru que tu me sortirais de ce bordel avec toute cette mise en scène? Une amitié commençait à se former, j'aurais pas dû t'écouter, non j'aurais pas du tout formaté. Entrée en sixième, je connais ces personnes à part toi, nouvelle loi, aujourd'hui je démissionne. Rappelle-toi du bus, des histoires à la con de Samy. Rappelle-toi des plus de la façon dont ça va mal se finir. Rappelle-toi des nouvelles fréquentations avec des petites connes. Rappelle-toi de chez toi Gabi. Et toi tu faisais comme. Rappelle-toi de ce SMS raté. On sortait pas ensemble mais on s'était juré de pas se quitter même après avoir cassé. Je suis le seul à avoir respecté ma part du contrat. Deux jours plus tard tu m'ignorais. Rappelle-toi, rappelle-toi de ces bons moments. Au fond on n'est que des enfants, ou plutôt on était, car depuis le temps je me rappelle de tous ces souvenirs trans. Rappelle-toi de toutes ces broutilles, marche droit quand la vie te met des béquilles. Je suis pas un exemple, tu croiras que si je souhaite à personne de vivre un jour ma vie. Yeah. C'est reparti pour un tour de looping. T'as repris tes esprits pour le meilleur et pour le pire. Amitié abrutie aboutit à rien sauf à quelques ennuis. On se fait la gueule pour des broutilles. Loin de me rendre compte que tu vas jeter ma confiance à la mer dans une bouteille. J'en ai marre, tu me prennes pour un con, mais généreux, je reste bon. Flash du bus, mot dans l'agenda. J'avais trop envie de t'embrasser, c'est ça que tu m'avais écrit là. J'y ai cru, mais une fois de plus on sortait pas vraiment ensemble. Rappelle-toi du deuxième mec que tu côtoyais pendant qu'on était ensemble. Conne que tu es, de plus tu me le dis en face. Loin de te douter que deux ans plus tard je le remettrai en pleine face. Cette fois c'est fini, comment pardonner à cette fille? Personne ne croit ce qui se passe, pas un mot décroché en un an et demi. Mais la suite est pire, rappelle-toi de l'année 2010. De l'année 2010, yeah. Rappelle-toi des bons moments, au fond on n'est que des enfants. Ou plutôt on était, car depuis le temps, je me rappelle de tous ces souvenirs trempes. Rappelle-toi de toutes ces broutilles, marche droit quand la vie te mets des béquilles. Je ne suis pas un exemple, tu croiras que si je souhaite à personne de vivre un jour ma vie. Un an et demi est passé mais on ne s'est toujours pas parlé. Mais voilà que c'est moi qui fais le pas premier. Tu ne fais que t'excuser alors que tu as oublié la moitié des faits. Yeah. On me prend pour un fou quand je raconte cette histoire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es bizarre? Une amitié repartie, repartie pour finir. Vous connaissez la suite, pseudo rendez-vous, pseudo couple. Mais cette fois c'est pire, tu me fais la gueule, je ne sais pas pourquoi. Donc je te dis adieu, mais je te recontacte comme à chaque fois. Mais cette fois, j'en ai assez. Je suis un avocat, et une fois de plus, affaire classée. Affaire classée. C'est fini.